Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. .3, c'est la jungle des luttes, programme tous les troisièmes lundis du mois en direct de 19h à 20h30 et retransmis tous les troisièmes jeudis du mois, le matin cette fois de 8h à 9h30. Donc c'est un programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, CSPCL, qui donc se réunit plus qu'une fois par mois maintenant, le premier mercredi du mois, et plus à la CNT qui est en travaux, mais au CICP, et donc CICP, Centre International des Cultures Populaires, et c'est au 21 Terre, rue Voltaire, dans le 11e. Donc voilà, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, c'est le comité de solidarité avec les apatistes, mais toutes les luttes en bas à gauche, si on veut peut-être trouver un terme qui permet de rassembler toutes ces luttes des peuples ici, plus loin, ailleurs, qui résistent contre cette tornade capitaliste, etc. Tout ce qu'on connaît déjà, c'est pas la peine que je vous le refasse. Et donc, on a fêté nos 30 ans là récemment. On l'a fêté d'ailleurs à plusieurs reprises grâce à plusieurs événements. Et la dernière fois, c'était le 28 mars au CICP. Et à cette occasion, on a une amie, maintenant on peut se permettre de dire que c'est notre amie depuis le temps qu'on se connaît, qu'elle nous rencontre, qu'elle vient nous rencontrer ici à Paris régulièrement et que nous on croise aussi quand on va au Mexique. Donc il s'agit de Gloria Munoz, qui est une journaliste qui a passé beaucoup de temps près des communautés apatistes dans les premières années justement notamment, et qui est venue à l'occasion des 10 ans du soulèvement et des 20 ans de l'organisation de l'armée apatiste en France. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés, elle avait fait un ouvrage. Et là, aujourd'hui, elle a continué tout son travail de journaliste et créé Desinformémonos, Désinformons-nous, avec donc toute une équipe de journalistes qui diffuse régulièrement sur les luttes au Mexique, mais tout en Europe et encore dans toute l'Amérique et encore même ailleurs en Afrique ou encore en Asie. Et donc en tous les cas, il y a plein de choses qui sont racontées sur ce Desinformémonos qui est riche et qui est donc au Mexique et en espagnol, enfin en espagnol, et donc puisqu'ils sont au Mexique et basés au Mexique. Et donc elle a eu la gentillesse de nous faire honneur de sa présence pour le 28 et puis aussi nous accorder un entretien qu'on va être avec elle jusqu'à la fin de l'émission. Et puis pour ceux qui veulent nous rencontrer autrement, donc comme je disais, c'est le premier mercredi du mois, et sinon vous pouvez réécouter nos émissions sur un blog qui est plus ou moins à jour, dernièrement pas trop apparemment, c'est la jungle des luttes, le blog, comme le nom de notre émission. Et donc cette assemblée ouverte, vous pouvez nous rencontrer, c'est à 20h tous les premiers mercredis du mois. Merci de nous écouter, on va faire une petite pause musicale pour bien se mettre et se préparer dans l'ambiance. Donc on va partir au Mexique avec Gloria pour ce soir. Merci à vous, FPP 106.3, la jungle des luttes, pause musicale. Yeah. Hola Gloria, gracias por estar con nosotras, nosotros. Et pues, je remercie Gloria d'être avec nous. On a eu la chance de l'avoir avec nous pour nos 30 ans, le 28 mars. On a fêté ça aussi au CICP. Tuvimos la suerte de tenernos con nosotros ahí el 30, por los 30 años del comité en el CICP. Y aprovechamos para que... bueno, te damos un tiempo para platicar de lo que nos puedes contar, de lo que está pasando en México, de las luchas, de todo lo que sabes, porque ya tienes así un trabajo amplio con tu equipo ahí en Desinformémonos. Alors, je vais lui demander de profiter de sa présence pour nous partager toutes les luttes qu'elle connaît au Mexique, puisqu'elle a l'occasion de connaître beaucoup de luttes avec son équipe de periodistas no muy, muy otra, digamos, enfin, o muy otra, non. Et avec son équipe de journalistes de Desinformémonos, vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre cette revue. Et Gloria, on l'a connue il y a déjà beaucoup d'années. Te conocimos hace muchos años ya, son más de 20 años. Ça fait plus de 20 ans qu'on a eu l'occasion de la rencontrer, puisque Gloria Muñoz a fait la campagne à l'époque du 20-10, c'est-à-dire les 20 ans de la création de l'EZLN et les 10 ans du soulèvement. Entonces, te conocimos con el 20-10, este libro, los 20 años de la formación de la ZETA y de 10 años del levantamiento. Entonces, no sé... Te damos la palabra porque ya estamos en confianza, puedes hablar como quieras y empezar con lo que te parece lo más importante a comunicar a nosotros, a gente que tal vez no conoce México, tampoco Chiapas, tal vez tampoco los zapatistas. Je vais lui demander donc de nous parler de ce qu'elle pense le plus important à partager avec nous dans un premier temps, sachant que tout le monde ne connaît peut-être pas le Mexique ni le Chiapas et peut-être encore moins les zapatistes. Et donc, on a... ben voilà, tenemos el tiempo. Lo tomas como quieres, compañera. Voilà, on a le temps, qu'elle prenne son temps. On fera une petite pause musicale, évidemment, à un moment. Tendremos una pausa. A unos minutos ya te pongo a la pausa por la música. Entonces, okay. Gracias por estar con nosotras. No, muchísimas gracias a ustedes. Es una gran oportunidad para mí estar en París para platicar con ustedes por el 30 aniversario del comité y por lo que sigue ocurriendo en México y específicamente en el sur, por supuesto. Je vous remercie, c'est vraiment une très belle opportunité pour moi d'être ici avec vous et pour avoir à partager avec vous les 30 ans du comité et pour parler de ce qui se passe au Mexique en ce moment. Primero que nada, quiero volver a abrazar, a felicitar al Comité de Solidaridad con los Pueblos de Chiapas, porque me parece una verdadera hazaña que durante 3 décadas sigan trabajando en solidaridad con los zapatistas. Tout d'abord, j'aimerais féliciter encore une fois le Comité de Solidarité avec les Peuples de Chiapas en lutte, parce que c'est assez surprenant et que vous continuez à travailler 3 décennies après pour soutenir les peuples de Chiapas en lutte. Bueno, vamos a empezar esta charla hablando en general de una severa crisis de derechos humanos que está atravesando todo el territorio mexicano. Je vais commencer à parler avec vous en abordant la crise profonde des droits humains qui se vit en ce moment au Mexique. Estamos hablando de que, bueno, esta crisis lleva más de 20 años y cada vez se agudiza más. C'est une crise qui, ça fait 20 ans que ça dure, cette crise, et chaque fois de plus, et ça s'empire jour après jour. Pero también hablemos de que paralelamente a esta crisis surgen movimientos de resistencia y los que ya hay se fortalecen, porque no hay de otra. Mais il faut dire aussi qu'en parallèle à cette crise, il y a des mouvements de résistance qui sont nés et les autres qui existaient déjà qui deviennent plus forts. En ce moment, ce qui est plus sur la mesa en México est le thème de la disparition forcée. En ce moment, ce qui est le sujet le plus sonné au Mexique, le plus parlé, c'est la question de la disparition forcée. Estamos hablando de una desaparición en la que hay algún nivel del Estado involucrado en esa desaparición. On parle de disparition où il y a un niveau de l'État impliqué dans cette disparition. Por complicidad o por omisión. Par complicité ou par négligence. Ouais, négligence, je ne sais pas si c'est... Omission. Pour complicité, qu'est-ce que c'était déjà complicité avant? Omission est quand tu ne fais rien. La complicité, c'est que tu ne fais pas vraiment. Et omission en espagnol, c'est quand tu fais comme si tu ne voyais pas. Quoi. Ok. Y paralelamente a... Bueno, estamos hablando de 125.000 desaparecidos y desaparecidas reconocidas por el Estado. On parle de 125.000 personas disparues reconocidas oficialmente por el Estado. Los colectivos hablan de más de 200.000. Les collectifs parlent de plus de 200.000 personas disparues. Y el discurso del gobierno actual... Et le discours du gouvernement actuel est que toutes ces disparitions ocurrieron en gobiernos anteriores. Consiste à dire que toutes ces disparitions ont eu lieu pendant les gouvernements précédents. Pero esto es una mentira. Mais c'est un mensonge. Porque tan solo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en los 6 años anteriores a este, se registraron más de 60.000 desapariciones. Parce que si on parle que du gouvernement précédent d'Andrés Manuel López Obrador, les 6 dernières années, il y a eu plus de 60.000 personnes disparues. Bueno, ¿y qué está ocurriendo a nivel de la sociedad ante tantas desapariciones? ¿Y de dónde vienen estas desapariciones? ¿Quiénes son los que están desapareciendo en México? Donc, on peut se demander ce qui se passe au niveau de la société par rapport à cette disparition, et d'où ça vient et qui sont les personnes qui sont portées disparues au Mexique. Bueno, son hombres y mujeres, en su mayoría, gente muy joven. Ce sont des hommes et des femmes, pour la plupart, très jeunes. No estamos hablando, el otro día Vero lo decía en el aniversario de los 30 años del comité, no estamos hablando de una desaparición política, pero no tendría por qué haber diferencia entre una desaparición en medio de una crisis de derechos humanos. No parlons pas d'une disparition politique, on l'a rappelé lors du 30 anniversaire du comité le vendredi dernier, mais on ne devrait pas faire la différence entre les disparitions, ce qui est politique et ce qui n'est pas politique, quand on se trouve au milieu d'une crise des droits humains. Toute disparition est politique. Toute disparition est politique. Et ici, nous parlons hablando de que miles de jóvenes están siendo reclutados de manera forzada o de manera engañosa por el crimen organizado con la complicidad de algún nivel de gobierno. Et nous parlons des milliers de jeunes qui sont en train d'être recrutés de manière forcée ou à travers des mensonges avec la complicité, l'implication d'un niveau du gouvernement, que ce soit municipal, de l'État fédéré ou fédéral. Et quand alguno de estos jóvenes se opone à hacer alguna maniobra del crimen o finalmente por los entrenamientos deshumanizados que tiene el crimen organizado, son asesinados o desaparecidos, es decir, no hay una huella de dónde están. Y si l'un de ces gens qui est recruté de manière forcée s'oppose a ce que le crimen organizé attend de lui, que ce soit par rapport aux entraînements, des entraînements qui ne sont pas du tout humains, mais ces gens-là sont assassinés ou sont portés disparus et on ne laisse aucune trace de ces personnes-là. Et sont les familles de ces hommes et femmes qui sortent au camp pour les chercher. Et ce sont les familles de ces hommes et ces femmes disparus qui sortent, qui vont dans les champs pour les chercher. Entonces, del norte a sur de todo el país, crecen colectivos de familiares en búsqueda. Donc, du nord au sud du pays, il y a de plus en plus de collectifs de familles de personnes disparues. Son en su mayoría mujeres. La plupart des membres de ces collectifs, c'est des femmes. Madres, esposas, hijas de desaparecidos. Mères, épouses, filles de personnes disparues. Y su símbolo ya es una pala, un pico, porque van a los montes o a los llanos a escarbar para buscar a sus seres queridos. Et leur symbole, le symbole qu'elles utilisent, c'est une pelle et une pico, je ne sais pas comment dire en français. Une pioche, voilà, et une pelle et une pioche, parce qu'elles sortent dans les montagnes et dans les vallées pour aller creuser la terre et chercher leurs êtres chers disparus. Escarban con sus uñas. Elles creusent la terre avec les ongles. En búsqueda de, insisto, del resto de algún ser amado, aunque tengo que resaltar que buscan vida. No buscan un hijo muerto, buscan vida. Elles cherchent, elles creusent la terre à la recherche des dépouilles de leur être cher, mais il faut dire qu'elles cherchent la vie, elles ne recherchent pas la mort, c'est qu'elles recherchent certainement la vie. El caso mundialmente conocido es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Les cas les plus connus à l'international, c'est le cas de 43 étudiants disparus d'Ayotzinapa. Que tiene ya más de 10 años. Disparition qui a eu lieu il y a plus de 10 années. Esta desaparición puso la alarma en todo el país y en todo el mundo. En México hay desaparecidos. Cette disparition des étudiants d'Ayotzinapa a sonné l'alarme, on peut dire ça? A sonné l'alarme pour attirer l'attention sur les cas mexicains et pour dire qu'il y a des disparus au Mexique. Pero desafortunadamente no son los únicos. Mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls. Hay más de 100,000 y los estamos buscando. Il y a plus de 100,000 personnes disparues et on est en train de les chercher. Muchos de ellos son migrantes también. Beaucoup de ces personnes-là sont des personnes migrantes. Que vienen de Centroamérica en su recorrido hacia Estados Unidos, encontrando el infierno en territorio mexicano. Qui viennent de l'Amérique centrale et qui traversent le Mexique pour arriver aux États-Unis, et ce qu'ils retrouvent au Mexique, c'est l'enfer. Donde, como México hace una política de, pues se entiende patio trasero. Del patio trasero hacia Estados Unidos, de servidumbre básicamente a nivel de gobierno, hace el trabajo sucio y hace la detención de migrantes, contención y detención antes de que lleguen a la frontera norte. Donc, dans la mesure où le Mexique mène une politique de, ce qu'on dit en espagnol, patio trasero, c'est-à-dire vraiment la cour de derrière les États-Unis, ils mettent en place une politique de contention et de retenir ou arrêter les migrants avant qu'ils arrivent aux États-Unis. Esto hace que los migrantes busquen rutas cada vez más peligrosas. Mais cela conduit les migrants à chercher des chemins, des routes de plus en plus dangereuses. Prácticamente, el gobierno los está entregando al crimen organizado. Le gouvernement les rend au crime organisé. Y también los migrantes son reclutados. Et les migrants aussi, ils sont recrutés. Y no se vuelve a saber de ellos. Et en plus, on ne sait plus rien d'eux. Porque nunca las familias con el agravante. Bueno, ya no. ¿Cómo ha desaparecido? Sí, decir, claro, no saben sus familias. Las familias no saben. Por eso quería preguntar, en las cuentas de los desaparecidos, Por supuesto que los migrantes no hacen parte de la cuenta oficial. Claro. Ahora la cuestión en francés. Et c'était pour dire que justement, puisque c'est des migrants, que personne ne va les chercher sur les terres du Mexique, puisque les familles ne sont pas sur place, la question c'était justement précisément de poser la question en imaginant qu'ils ne faisaient pas partie du compte officiel, évidemment. Sauf peut-être de disparus, dans le compte des disparus. Lo que volver a decir en francés. Claro, la condición de los migrantes es doblemente preocupante. Évidemment, la condición de migrants est preocupante encore plus. Doublement, ouais. Pero hay una mamá buscadora de Honduras. Mais il y a une mère qui. On les appelle buscadoras, chercheuses, une mère chercheuse de Honduras. Mamá de Oscar López Enamorado. C'est la mère de Oscar López Enamorado. Que se llama ella Ana Enamorado. Él se apela Ana Enamorado. Y ha hecho un trabajo junto con otras madres centroamericanas, un trabajo muy importante de búsqueda y de visibilización de los migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Él ha hecho un trabajo muy, muy importante de recherche y de sensibilización de migrantes con otras mères centroamericanas. Pour faire connaître la situation des personnes migrantes disparues. Hay caravanas de búsqueda organizadas por ella. Il y a des caravanes, elle organise des caravanes de recherche. Y sobre todo se ha convertido en una voz pública muy importante para esta denuncia. Sa voix est devenue très importante publiquement pour dénoncer ce qui se passe. Entonces, este es un tema, pero también es bien interesante tanto Ana Enamorado como otras miles de mamás o de familias buscadoras en México se han tenido que organizar desde abajo con nada y con todo en contra. Ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi bien un enamorado que d'autres familles, des milliers de familles et de personnes disparues, elles ont dû commencer à s'organiser vraiment à partir de rien et avec tout contre elles. Sont criminalisées. Elles sont criminalisées. Sont desqualificadas porque una cosa, voy a explicarlo todo y me ayudas, ouais. Vero. Cuando es una desaparición por motivos políticos, hay colectivos de izquierda que para los que es políticamente correcto buscar a alguien que por motivos políticos ha sido desaparecido. Pero cuando se trata de un desaparecido que no tiene una participación política en algo y que ha sido reclutado por el crimen organizado o que simplemente no se sabe nada, entonces la búsqueda tiene todo en contra, porque nadie lo reconoce. Y a la mamá que lo busca, lo único que le dicen es, tu hijo estaba haciendo algo. ¿En qué estaba tu hijo? Porque por algo fue desaparecido. Desacreditan al hijo y desacreditan a ella. Y a ella incluso llegan a matarla. Esta semana una madre buscadora estuvo a punto de ser secuestrada y le dieron un disparo. Esta semana, no estamos hablando de hace 15 días, eso fue ayer. Ces familles et cette femme qui recherchent leur être cher disparu sont souvent disqualifiées parce qu'il y a un contexte, il y a quand même une certaine différenciation. Et donc, quand il s'agit d'une disparition politique, quand il y a une personne qui est disparue par des raisons politiques, il y a tous les collectifs de gauche qui viennent soutenir la recherche de cette personne. Par contre, quand il s'agit d'une personne disparue qui ne se mobilise pas politiquement, dont la disparition n'est pas liée à des questions politiques et il a été porté disparu par l'action du crime organisé, il y a une tendance à criminaliser la personne disparue et à criminaliser la famille qui les cherche. On dit souvent, mais il aurait dû faire quelque chose, il était mêlé à quelque chose. Donc du coup, ces familles-là qui cherchent à cette personne qui sont portées disparues, pas pour des questions politiques,

enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía, On est toujours sur 106.3 FPP, la jungle des luttes. On est avec Gloria Munoz qui est venue du Mexique à l'occasion de notre temps, la chance. Et donc elle nous parlait de la situation au Mexique, la situation des disparus dont on a parlé à plusieurs reprises sur ce programme, dont vous avez sans doute entendu parler aussi sur les médias général, il y a eu justement une disparition, ou plutôt la découverte de fosses à Teotitlan récemment, qui montrait encore une fois ces fosses comme on en avait découvert à Ciudad Juárez. Il y avait eu avant aussi, là, donc on en a parlé tout à l'heure, de la disparition des 43 de Ayotzinapa, et donc là récemment encore des fosses avec des corps qui... Donc justement, peut-être que Gloria peut nous parler un peu de ça pour continuer à nous parler, parce qu'on a eu que des petites infos rapides dans les médias. Et donc, Gloria, si nos puedes hablar, tal vez, para seguir un poco con esta cosa que sí se amplía la violencia y las desapariciones, y el caso de Teotitlán, o se descubrió, entonces ahí las fosas, ahí sí. Te dejamos la palabra, gracias. Sí, Virginia, muchas gracias. Mira, yo creo que antes de Ayotzinapa hubo un momento clave, que fue el 2012, cuando asesinan al hijo del poeta Javier Sicilia. Merci beaucoup. Mais avant Ayotzinapa, la disparición de 43 estudiantes, il y a eu un moment clé, et c'était en 2011, 2011. Sí, perdóname, Vero. C'était en 2011 quand on a assassiné le fils de Javier Sicilia, qui est un poète très connu. Javier Sicilia, a partir de la muerte de su hijo, del asesinato de su hijo, hace dos recorridos hacia el norte y hacia el sur del país. Javier Sicilia, après la mort de l'assassinat de son fils, il traverse le pays vers le nord et vers le sud. Yo voy a los dos recorridos. Uno es a Ciudad Juárez y el otro es a Chiapas. Je fais partie de deux caravanes. Il y a une qui part à Ciudad Juárez dans le nord et l'autre au Chiapas dans le sud. Es en esas dos caravanas, la gente que no había salido sale a las calles, a las carreteras, a las plazas, a decir, a mí también me mataron a mi hijo, o yo tampoco encuentro a mi hijo. Ese fue un primer encuentro con lo que había sido la supuesta guerra contra el narco iniciada por Felipe Calderón en 2006. Dans ces deux caravanes, vers le nord, vers le sud, les gens sont sortis dans la rue, dans les routes, dans les places publiques pour dire: moi aussi, mon enfant il a été assassiné, moi aussi j'ai un enfant qui est disparu. Et ces caravanes constituent une première rencontre des familles à la suite de la guerre contre de la violence qui a entraîné la guerre contre le narcotrafic implémentée par Felipe Calderón en 2006. Exacto. Entonces ahí es el primer anuncio del horror. Ça constitue la première fois que l'horreur s'annonce. Et todo eso ya estaba en todo el territorio, pero la gente tenía y aún tiene mucho miedo de decirlo. tout cela faisait déjà partie du pays, du territoire mexicain, mais les gens avaient et ils ont encore très peur de dire les choses. Et l'autre moment importantissimo est le 2014, por supuesto. L'autre moment très important, clé, c'est 2014. Que es la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Que l'année où les 43 étudiants de l'école normale rurale d'Ayotzinapa sont portés disparus. Este evento se conoce en todo el mundo y también dispara la solidaridad y acompañamiento de todo el mundo. Cette disparition, elle est connue à travers le monde et ça a déclenché aussi toute la solidarité internationale. Eran normalistas, o sea, iban a ser 43 futuros maestros que desaparecían de la nada. O sea, previa violencia auspiciada por el ejército. Mais il s'agissait de 43 étudiants qui allaient devenir enseignants et qui sont portés disparus comme ça. Et d'un coup, et avec quand même un antécédent que c'était la violence de l'armée et l'implication de l'armée. Exacto. De 2014 à ahora han pasado 11 años y todo esto no ha hecho más que crecer. Depuis 2014, 11 ans se sont écoulés et toutes ces problématiques s'est approfondi, a grandi, je ne sais pas comment dire, s'est amplifié, voilà. Y bueno, esta profundización de la violencia tuvo es que no lo quiero decir evento, un episodio que destapó parte del horror que existe en el país. Et cette violence accrue, on a vécu un épisode qui a mis à jour une partie de l'horreur dans le pays. Que fue justo lo que tú mencionas, Virginia, que es el descubrimiento entre comillas de un campo de exterminio en el estado de Jalisco. Et c'est justement ce dont tu parlais, c'est la découverte, entre guillemets, d'un champ d'extermination dans l'état de Jalisco. Y digo entre comillas porque no fue su descubrimiento ahora. Hace 5 meses estuvo la Guardia Nacional en este campo que se llama que está localizado en Teuchitlán, a solo 50 kilómetros de la ciudad de Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país. Je parle de découverte entre guillemets parce que ça vient pas d'être découvert il y a très peu. Il y a 5 mois, il y a eu la Garde Nationale qui était sur les lieux à Teuchitlán. Et Teuchitlán, c'est une commune qui se trouve à seulement 50 km de Guadalajara, que c'est la deuxième ville la plus importante du pays. Et bueno, el gobierno, la Guardia Nacional, ya sabía que existía este campo de reclutamiento forzado. Donc le gouvernement et la Garde Nationale, ils savaient déjà. Et ils connaissaient déjà l'existence de ces champs de recrutement forcé. Et no hicieron nada. Et ils n'ont rien fait. Ahora, el 5 de marzo pasado. Et le 5 mars dernier. El colectivo de familia buscadora llamada Guerreros. Guerreros. C'est pas Guerreros Buscadores de Jalisco. Guerreros Buscadores de Jalisco, vamos a dejarlo así. Je pense. Ingresa a este rancho, es un rancho que se llama Rancho Izaguirre, localizado en Teuchitlán, Jalisco, y este colectivo, Guerreros Unidos. Guerreros Unidos. Entra a... No, Guerreros Unidos, es el cártel de... No, Guerreros Buscadores. Guerreros Buscadores de Jalisco entran al rancho porque... les avisaron que iban a encontrar algo y ahorita sigo la explicación. Et donc le 5 mars dernier, il y a un collectif dont le nom on se souvient pas exactement mais c'est Guerreros Buscadores ou Guerriers qui cherchent Et donc, ils sont réussis à rentrer dans cet endroit-là qu'on appelle en espagnol rancho. Et c'est... Une grande ferme. Ouais, voilà, c'est une sorte de grande ferme qui se trouve justement à Teuchitlan. Et donc, du coup, ils sont rentrés dans les lieux. Parce qu'on leur avait dit que là, normalement, ils devraient trouver quelque chose. Voilà. Sí, sí. Es que regularmente las familias, los colectivos de familias buscadoras reciben información, rumores, cartas. Hay veces que en las iglesias les dejan mensajitos. Siempre se llevan las búsquedas a partir de rumores y de información que les llega. Y así les llega la información del rancho. Parce qu'en fait, d'habitude, de manière très régulière, les familles reçoivent des petits messages, des lettres, ou à travers des rumeurs, et elles apprennent l'existence des lieux où il y a peut-être des personnes disparues, et c'est comme ça que le collectif a reçu cette information, qui est l'existence de cette rancho. Mm-hmm. Entran al rancho. Y son las imágenes que ellas mismas toman en transmisiones en vivo por Facebook de aproximadamente 200 pares de zapatos, ropa, libretas, mochilas, que hacen más de 1,000 artículos de hombres y mujeres encontrados en el rancho. Además de 3 lugares en el rancho donde encuentran... hornos de incineración que ellas llaman crematorios y en donde encuentran claramente vestigios de que cuerpos humanos fueron incinerados. Donc ils sont rentrés dans cet endroit et c'est à travers des diffusions en direct qu'ils font sur les réseaux sociaux comme Facebook où on voit comment ces familles ont retrouvé plus de 200 paires de chaussures, des vêtements, des sacs à dos, au total plus de 1,000 pièces appartenant à des hommes et des femmes. Et en plus de toutes ces pièces-là, ils ont aussi retrouvé 3 endroits à l'intérieur du lieu où il y avait des fours, ce qu'ils appellent des crématoriums, mais c'est des fours, des trous dans la terre, où il y avait des traces de dépouilles. Son ellas solas, sin medios de comunicación, sin organismos de derechos humanos, sin ayuda o el apoyo de ninguna instancia de gobierno, las que entran y recogen pieza por pieza. C'est les familles toutes seules, sans le soutien des médias, sans le soutien des ONG, sans le soutien du gouvernement, qui rentrent dans ces lieux et qui commencent à retrouver pièce par pièce. Et pour eso tenemos esas imágenes que le dan la vuelta al mundo, por ellas. Et c'est pourquoi on a ces images-là qui font le tour du monde grâce à ces familles-là. Y otra vez, como en el 2011 y como en el 2014, vuelve a destaparse el horror. Y encore une fois, como en 2011, como en 2014, l'horreur est à nouveau découvert, mis à jour. Quoi. Hay que tener en cuenta que durante los últimos 6 años, que fueron el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Il faut tenir compte que les 6 dernières années qui correspondent au gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador cambió la narrativa del gobierno y también cambió o se modificó de alguna manera la recepción de muchos sectores de la sociedad civil del problema de la desaparición y de muchos otros. Donc, au cours de ces 6 dernières années, les récits, les discours du gouvernement a changé et aussi la manière dont la société et les ONG reçoivent cette information. De manière très claire, tous les qui marchons pour Ayotzinapa hace 10 ans, hace 7, hace 6 se reconfiguró la marcha et de los decenas de miles que éramos, se redujo notablemente a partir de que muchos de la izquierda que estaban marchando ya estaban con un discurso oficialista. Mais pour dire les choses très clairement, en fait, toutes celles et tous ceux qui ont marché, qui ont manifesté pour Ayotzinapa et qui sortaient dans la rue il y a 10 ans, il y a 6 ans, Mais cette foule a commencé à être moins nombreuse, tout simplement parce qu'il y avait des secteurs de la gauche qui, tout simplement, ont changé leur regard par rapport aux disparitions, parce que le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador, c'est un gouvernement, soi-disant, de gauche. Et qu'ils ont adopté le langage, le discours de, du gouvernement. Voilà. Ah, sí, claro. Y fíjate, yo nunca pensé que las familias iban a ser atacadas. Que pensé que si alguien no podía ser atacado en este mundo, eran las madres y los padres de Ayotzinapa. Moi, j'ai jamais pensé que les familles elles pouvaient être victimes d'attaques. Pour moi, s'il y avait au moins quelqu'un qui ne pouvait pas être attaqué, c'était les parents d'Ayotzinapa, les pères et les mères des étudiants disparus d'Ayotzinapa. Et con López Obrador, empiezan a ser atacadas. Et avec Andrés Manuel López Obrador, ces familles-là commencent à être attaquées. Incluso hubo eventos en que fueron reprimidas. Il y a eu même des événements, des manifestations où elles ont été réprimées. Yo estoy en un medio de izquierda, de movimientos de abajo que se llama Desinformémonos, jamás habíamos tenido tantos ataques cuando publicábamos algo de Ayotzinapa. Moi, j'ai fait partie d'un média indépendant de gauche qui s'appelle Desinformémonos et on n'avait jamais eu autant d'attaques en parlant d'Ayotzinapa. Entonces cambia, se reconfigura toda la narrativa y la solidaridad. Il y a toute une reconfiguration des discours et de la solidarité. Pero eso se vuelve a destapar con Teuchitlán. Mais à nouveau, Teuchitlán change la donne. Y entonces, la gente, entre la indignación y el miedo, dont les gens tiraillent entre l'indignation et la peur, voilà. Sale a las calles. Sort dans les rues. On fait une petite pause musicale, vous êtes toujours sur FPP, c'est la jungle des luttes. ¿Quién se la llevó? Oh, oh, oh, oh, oh. explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses. Por dentro, ¿a dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales, mujer. Porque es que se desaparecen. Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelven desaparecidos, cada vez que no trae el pensamiento más. ¿Cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Ana Enamorado, la activista hondureña que acabo de mencionar, hace una convocatoria junto con el colectivo Huellas de la Memoria, que ya ha estado en París, por cierto. Ana Enamorado, dont on vient de parler, la militante dont on vient de parler tout à l'heure, elle a fait un appel avec un autre collectif, Huellas de la Memoria, qui est déjà venu à Paris d'ailleurs. Y hacen una colectiva para que se llenen las plazas de zapatos como símbolo de la desaparición y acuda la gente con velas y zapatos a expresar su indignación, a abrazarnos unos a otros. Y algo que parecía una convocatoria muy pequeña se hace nacional. Donc, Ana Enamorado et le collectif Huellas de la Memoria lancent un appel pour sortir dans les places publiques du Mexique avec des chaussures comme symbole de la disparition, avec des bougies, et pour se soutenir, pour exprimer l'indignation. Et ce qui, au début, avait l'air d'être un appel très, très petit, devient un appel au niveau national. Et Virginia, déjame decirte, salimos muchas familias con mucho miedo, pero tampoco tenemos opciones. Nous sommes sortis dans la rue avec beaucoup de peur, mais nous n'avons pas le choix. No pensábamos que íbamos a llenar las plazas. Nous croyons pas qu'on allait remplir les places. Llegaron, yo creo que también aquí es muy, muy importante mencionar que no nada más llegaron los colectivos de buscadores, sino familias que todavía no tienen un desaparecido, pero que piensan ya que pueden tenerlo. Teuchitlán acercó la posibilidad. Et dans la rue, dans les places publiques, il y avait pas seulement, et c'est très important de le dire, il y avait pas seulement des familles, des collectifs de familles et des personnes disparues, mais aussi des familles qui, pour l'instant, n'ont pas de personnes disparues dans leur famille, mais qui, maintenant, sont conscientes qu'il y a cette possibilité-là aussi pour elles. Et Teuchitlán, le cas de Teuchitlán, a fait naître cette possibilité, en fait. Y sectores también que no suelen manifestarse como los artistas, los cineastas, los intelectuales más famosos del país, abrazan a las familias buscadoras. D'autres secteurs qui n'ont pas l'habitude de se manifester, les artistes, les intellectuels, ils sortent aussi dans la rue et ils embrassent les familles. Todos los cineastas que han ganado el Oscar, todos los cineastas mexicanos que han ganado el Oscar, como Iñárritu, Cuarón, los artistas como Gael García, los periodistas más importantes, todos se manifiestan por Teuchitlán, por las familias, porque también el ataque del gobierno a las familias es muy grande. Tous les directeurs de cinéma très connus, les directeurs de cinéma mexicains très connus qui ont gagné des Oscars et d'autres prix. Et ils expriment leur soutien et ils manifestent. Et parce que aussi, et l'attaque du gouvernement envers les familles en ce moment, il est très grand. Uno de los llamados y convocatorias más importantes en este sentido es el del EZLN a, ellos dicen, a buscar a las buscadoras. Il y a un appel, l'un des appels les plus importants dans ce sens-là, c'est l'appel de l'Armée Zapatiste de Libération Nationale, et il s'appelle, et ce qu'il dit, c'est « chercher les chercheuses ». En este momento, además de la iniciativa de la construcción del común, en ce moment, en plus de l'initiative des Zapatistes de la construction du commun, es el otro aspecto importante, es el llamado a la solidaridad, acompañamiento, abrazo a las familias buscadoras. Cet appel-là a se solidariser, a soutenir, a embrasser les familles qui cherchent leurs disparus. Y están convocando a los artistas, a las expresiones artísticas, o a que nos manifestemos con diferentes expresiones artísticas en solidaridad con ellas. Et les zapatistes appellent tout le monde à se manifester via de différentes expressions artistiques pour montrer la solidarité envers les familles. En este mes de abril tendrán un encuentro internacional que acaban de mencionar ayer, ¿no? Bueno, es que ya no tengo los horarios cambiados, perdón, pero bueno, acaban de mencionar ayer que ya hay gente de muchos países, de muchas partes de México, que van a acudir a esta convocatoria artística con teatro, danza, cine, poesía. Se espera que sea un evento muy importante dentro de esta crisis en la que estamos viviendo y que, como los zapatistas lo han dicho todo el momento, es por la vida. Mais justement, hier, il me semble, il y a eu déjà un appel à l'annonce d'une rencontre internationale chez les zapatistes le mois d'avril, où on voit déjà la participation des gens de beaucoup de pays et de beaucoup d'endroits au Mexique pour manifester à travers l'art, que ce soit le théâtre, la danse, le cinéma, la poésie, et pour manifester la solidarité avec les familles. Et il s'agit d'un événement très important au milieu de cette crise pour les droits humains. Parce que ça manifeste la vie aussi. Ah, et voilà, et la dernière partie que j'ai ratée. Sí, esto me parece muy importante porque si hay un miedo generalizado, que no es la primera vez que lo sentimos en México, pero yo creo que esta vez es muy profundo. Mais ça me paraît très important parce qu'au Mexique, en ce moment, il y a une peur qui s'est généralisée. Il y a la peur qui s'est généralisée. Ce n'est pas la première fois qu'on ressent cette peur-là, mais cette fois-ci, il est beaucoup plus profond. Por eso, la necesidad de juntarnos y de hacer cosas. D'où la nécessité de nous rassembler et de faire des choses. Y en este contexto, la convocatoria zapatista, bueno, convoca a muchos sectores del país que quieren hacer cosas. Y en ese contexto, el apel lanzado por los zapatistas, pero es un apel a plusieurs sectores del país que quieren hacer des choses. Porque hay miedo, pero hay una necesidad de no permanecer inmóvil. Parce qu'il y a la peur, mais aussi la nécessité de ne pas rester inmóvil. Esto creo que me parece muy importante porque no nada más está la desaparición, sino también el feminicidio y también los ataques a los defensores del territorio, los asesinatos de periodistas. Defensores de los derechos humanos. Sí, defensores de derechos humanos y defensores del territorio, como Samir. Ouais, ça me paraît très important parce qu'il n'y a pas que la disparition, il y a aussi les féminicides, les attaques aux défenseurs du territoire, des droits humains, et les assassinats de défenseurs comme Samir Flores et aussi l'assassinat des journalistes. Así es. Entonces, frente a esta catástrofe nationale, existe esto también quiero ser como muy enfática, no deja de existir la resistencia. Y no es como una cuestión voluntarista, es que si no hay opción, resistes o resistes. Face à cette catastrophe nationale, la résistance continue d'exister et ce n'est pas une volonté. Il n'y a pas le choix. Il faut résister. Il n'y a pas le choix. Estamos hablando de que también en México se está viviendo un despojo de dimensiones monumentales en contra de los territorios indígenas. En México sí, on est en train de vivir un dépouillement de gran dimensión de territorios de pueblos autóctonos. Y esto ya lo habíamos denunciado antes, y pasa lo mismo con la narrativa de los desaparecidos. Cuando se defendía el territorio hace 10 años, había un eco en diferentes sectores de la sociedad. Ahora los acusan de ir contra el progreso, de estarle haciendo el juego a los sectores de la derecha y de mil tonterías más. Ce qu'on voit, c'est que la même dynamique qu'on voit avec les personnes disparues, c'est-à-dire aujourd'hui, on les dénonce, et aujourd'hui, à la différence de ce qui s'est passé il y a 10 ans, et maintenant on disqualifie ces gens-là qui dénoncent les dépouillements de territoire, on les accuse, on les attaque pour dire qu'ils s'opposent au progrès, qu'ils font les jeux de la droite au Mexique. C'est le même changement de discours, en fait. Me parece importante señalar que parte de la descalificación, desacreditación y criminalización, persecución del Estado hacia a los sectores que resisten en el país y que son contrarios a las políticas neoliberales actuales. Neoliberales y represores actuales. Il me paraît important de dire que une partie de cette discrédit, disqualification, criminalisation, persécution de la part de l'État envers les secteurs qui résistent et qui s'opposent aux politiques néolibérales et de répression. Et de répression. Que si estás cuestionando al gobierno, entonces estás haciendo el juego a la derecha y a la ultraderecha. Donc ce discours là, donc du coup c'est que si tu remets en question le gouvernement, c'est parce que tu participes à aux intérêts de la droite ou de l'extrême droite au Mexique. Comme si ellos no fueran la derecha. Comme si ce gouvernement là ne faisait pas partie de la droite, quoi. En México no hay una izquierda en el gobierno, ni siquiera algo cercano al llamado progresismo. No hay nada. En México, yo creo que lo principal es eso, tener claro que en México no tenemos una izquierda en el gobierno y que lo que tenemos es un gobierno de neoliberal con políticas de derecha que acusa a sus contrincantes de derecha, o igual que ellos, de estarlos golpeando. Y entonces, voy a explicar, maneja una narrativa que hace, que confunde a los sectores de derecha con los de izquierda no partidaria. Un ejemplo muy concreto, Sigovero, perdón, es la descalificación a Samir Flores Soberanes, al que el presidente Andrés Manuel lo llama radical de izquierda, días antes de que sea asesinado. Donc il faut dire que dans le gouvernement du Mexique, il n'y a pas de gauche. Il n'y a pas un gouvernement de gauche. Il s'agit d'un gouvernement néolibéral avec des politiques de droite et qui a l'habitude d'accuser leurs opposants, de les attaquer avec un discours qui sème un peu la confusion entre les gens de droite, les secteurs de droite et les secteurs de gauche qui sont des secteurs de gauche qui sortent de politique, du système des partis. Du coup, il y a cette confusion-là de la part du gouvernement, une confusion voulue. Et un exemple très concret, c'est par exemple la, disqualification de Samir Flores. Criminalisation, disqualification de Samir Flores, que quelques jours avant d'être assassiné, il a été traité de radical de gauche par le président Andrés Manuel López Obrador. Y esto aunado a los proyectos económicos hacia la población, dirigidos hacia la población, becas, a dinero a los viejitos, dinero a los jóvenes, dinero a las mamás, dinero, lo que han logrado es romper la organización en muchos lugares, porque una de las condiciones del gobierno para ofrecer estos apoyos económicos es la individualización del apoyo, nunca a organizaciones. Tout ça, ce discours-là où on sème la confusion entre la droite et la gauche qui sort du système des partis, tout ça ensemble avec les projets économiques du gouvernement, tels que les bourses qui ont été accordées aux personnes âgées, aux jeunes, etc. Et tout ça contribue à casser l'organisation, parce que l'une des conditions pour l'octroi de ces aides-là, c'est l'individualisation. Ça se passe de manière individuelle avec les personnes et jamais à travers les organisations. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Comment? Conocemos bien aquí en France sí. Ce système d'individualisation. Je disais qu'on connaît bien le système d'individualisation dans nos pays comme la France, où sí. Le capitalisme et l'individu est fermé. Te voy a poner un ejemplo muy claro de lo que hacen estos es que dádivas, pero ¿cómo se dice? Apoyos económicos individuales que no están arreglando estructuralmente ni la educación, ni la salud, ni los servicios del país que requiere la gente. Je vais donner un exemple très concret de cette aide économique individuelle qui ne sert pas vraiment à améliorer les structures des services publics, du service public, mm-hmm. L'éducation, la santé, etc. Par exemple, une personne de la tercera edad recibe cierta cantidad de dinero cada dos meses. Par exemple, une personne âgée reçoit de la part du gouvernement une certaine quantité d'argent tous les deux mois. Este dinero es para apoyo a su salud. Tout cet argent-là, c'est pour les aider en matière de santé. Pero como dan tanto dinero individual, no hay dinero para sostener el servicio de salud pública. Mais comme ils donnent autant d'argent de manière individuelle, de cette manière, il n'y a pas de fonds pour soutenir les services de santé publique. Entonces, esta persona de la tercera edad va a la seguridad pública por un estudio del corazón y le cuesta cuatro veces más. No está el aparato en la seguridad pública y en la seguridad privada le cuesta cuatro veces más de lo que le dan en efectivo. Donc disons qu'une personne âgée qui va à l'hôpital public pour se faire une étude de cœur, il n'y a même pas les machines nécessaires pour les faire. Donc du coup, la personne doit s'adresser chez les médecins du privé. Et dans les privés, ça coûte quatre fois plus. Qu'est-ce qu'elle reçoit qu'est-ce qu'elle reçoit, que la personne reçoit tous les deux mois. Este es un ejemplo muy pequeñito de lo que está ocurriendo y de lo que está también consiguiendo que el apoyo popular al gobierno en este momento en el poder. Voilà un exemple très concret et petit de ce qui se passe au Mexique et de cet soutien populaire au gouvernement qui est au pouvoir. Ay. Pues la lucha sigue. No, terminemos con otra cosa, por favor. Attends, on va faire une petite pause musicale de toute façon là. For those who protested, for those they arrested, estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. Vivos se los llevaron y así los queremos vivos. Vivo estarás, hermano, hasta que te alcance el olvido, y yo no descansaré hasta que estés de vuelta. No, no, no me detendré hasta tenerte cerca, pues este sentimiento no lo podrán apagar. Mi esperanza se hace fuerte para ayudarme a caminar. For those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind. Para quien levanta la voz, para quien empuña la palabra, para quien conoce el poder y la fuerza que a la verdad acompaña, para quien exige justicia, para quien actúa y no calla, para quien a pesar de todo se mantiene fiel a su causa, para aquel que no se dejó caer aunque nada parecía bien, para aquel que sigue luchando y sigue confiando al cien, pues este sentimiento no nos lo van a arrancar, la esperanza nos alumbra para poder avanzar. Those they arrested, for those who were killed, for those who were tortured, for telling what's on their mind, and also for those who keep being blind. Por los que partieron. Pa' que su luz te cuide en donde estés. Una veladora blanca, pa' que su luz te alumbre. Su bola no nos mata, nos hacen más fuertes. Fuertes. Those who protested, expressing their will. Gloria Munoz qui était avec nous, on est toujours sur 106.3 FPPC, la jungle des luttes. Donc voilà, après le tableau, le panorama sombre du Mexique aujourd'hui, quoi qu'il arrive, les gens s'organisent, sortent dans la rue, quoi qu'il arrive, sont là et résistent. Et donc tu voulais continuer aussi pour finir avec encore deux, trois petites choses, je te laisse la parole. Te dejo de acabar con lo que quieres, ¿no? Después del panorama oscuro, pero sí siguen las luces. Sí, bueno, por supuesto que hay muchas luciérnagas. Oui, oui. ¿Sí? Évidemment qu'il y a beaucoup de lucioles. México está lleno de luces de resistencia. Esto es una verdad que nadie puede objetar. Le Mexique est plein de lumières de résistance, c'est une vérité que personne ne peut réfuter. Donde nace un proyecto de despojo, nace una resistencia. Là où il y a un projet de dépouillement, il y a aussi la naissance de la résistance. Sigue la résistance contre le tren Maya, sigue la résistance contre le projet Integral Morelos, sigue la résistance contre l'interocéanico de Oaxaca-Veracruz. Et la résistance contre les trains de Maya continue, la résistance contre les projets Integral Morelos continue, la résistance contre les corridors Oaxaca-Veracruz continue. La résistance de las familias organizadas contre le féminicidio. La résistance des familles organisées contre le féminicide. Con lo que ya acabamos d'expliquer, contre la disparition. Les familles dont on vient de parler, contre la disparition. Los periodistas también nos organizamos para que dejen de matarnos. Les journalistes, on s'organise aussi pour qu'ils arrêtent de nous tuer. Pero yo creo que, sin duda, la mayor de las resistencias sigue estando en las comunidades indígenas del país. Mais sans aucun doute, la résistance la plus importante, la plus grande, est toujours dans les communautés autochtones du pays. Porque siguen siendo las más atacadas. Parce que c'est toujours les personnes les plus attaquées. Las más despojadas. Les plus dépouillées. Las más reprimidas. Les plus réprimées. Y las que más resisten. Et celles qui résistent le plus. Siguen siendo un ejemplo de lucha para muchos sectores de la sociedad mexicana. Ces communautés continuent à être un exemple de lutte pour plusieurs secteurs de la communauté mexicaine. Et non sont pocas las batallas que ganan. Et les batailles qu'elles sont remportées ne sont pas... C'est pas rien. C'est pas rien, voilà. se acuerdan ustedes de l'empresa francesa Bonafont? Rappelez-vous de l'entreprise française Bonafont. La tomaron en Puebla. Fueron desalojados. Pero no les permitieron seguir haciendo uso de sus manantiales. Ils ont pris les locaux, ils ont été expulsés, mais même après l'expulsion, ils ont empêché que l'entreprise continue à utiliser les sources, à exploiter les sources. Entonces, los pueblos que habían sido despojados de su agua, ahora tienen sus manantiales llenos. Mais et ces peuples-là qui avaient été dépouillés de leurs sources d'eau, maintenant ils sont pleines. En esta misma región de Puebla acaban de expulsar un megabasurero tóxico que lograron el cierre definitivo y no nada más eso, que lo sacaran y que no hubiera otro proyecto tóxico con que reemplazara à l'actuel, non, ça, je m'explique. Ouais. Dans cette même région de l'État de Puebla, ils ont aussi réussi à supprimer une méga décharge toxique. Ils sont pas seulement réussi à faire sortir les déchets. Les déchets, zone, mais qu'ils les mettent pas ailleurs, quoi, dans la zone, dans la région. Qu'ils reviennent pas. Faire un autre projet. Los pueblos Rarámuri acaban de tener territorio reconocido después de una lucha de décadas en la Sierra Rarámuri de Chihuahua. Los pueblos Rarámuri. Para un bueno, no, no les gusta. Pero ils viennent de ganar, après des décennies, una lucha por la reconnaissance de leur territoire. Lo mismo pasa en Oaxaca. La même chose arrive à Oaxaca. Con la lucha contra la minería. Avec la lucha y la resistencia contra las minas. Y bueno, por supuesto que no podemos dejar de hablar del ejemplo de resistencia que tenemos desde hace 31 años en México, que es la lucha de las comunidades indígenas zapatistas. Il faut bien évidemment rappeler la lutte de résistance qu'on a au Mexique depuis 31 ans, que c'est la lutte des communautés zapatistas. Y las comunidades de los alrededores que ahorita redoblaron su lucha contra la carretera San Cristóbal. L'autopista Palenque. Et aussi les communautés des alentours qui ont renforcé leur lutte en ce moment contre la route San Cristóbal Palenque, l'autoroute. Es decir, México se sigue moviendo. Voilà, le Mexique bouge. Y paralelamente, el gobierno presidido actualmente por el Partido Morena se sigue desacreditando vertiginosamente. Et en parallèle, le gouvernement au pouvoir, que c'est celui de Morena, le parti de Manuel López Obrador, continue à se disqualifier lui-même. Et il y a la torte de Sheinbaum. Non, nous oublions. La présidente actuelle du Mexique, Claudia Sheinbaum, il continue à se discréditer eux-mêmes. O sea, el partido Morena se autodestruye. Il y a une autodestruction du parti Morena. Corrupción. Avec la corrupción. Acaba de haber un diputado de Morena que, protegido por las mujeres de su partido, para que no fuera juzgado por violación, por presunta violación. Il y a un député de ce parti-là, de Morena, qui a été protégé par les femmes du parti pour qu'il ne soit pas jugé dans l'affaire, dans le cas d'un viol. Entonces, cada semana hay un escándalo. Il y a un scandale chaque semaine. Entonces, mientras ellos se destruyen, de este lado se organizan. Donc, tandis que eux, ils se détruisent, nous, on continue à nous organiser. On continue à nous organiser. Ouais. Bon. Sí. Y esto es una verdad que recorre el país. Voilà une vérité qui traverse le pays. Sí, son tiempos oscuros, pero insisto en que el país está lleno de luciérnagas y con eso termino. Donc oui, c'est des temps obscurs, mais le pays est rempli de lucioles et avec ça, j'ai fini. Eso. Se fini. La lucha sigue. Eso. Esta vez. Merci, Gloria. Merci. Muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídate mucho. Hasta gracias. La próxima, Virginia, Vero. Muchas gracias, Ana María, a los compañeros que están aquí. Voilà, je les remercie d'avoir été avec nous et à une prochaine. On refait une petite pause musicale, hein, c'est classique. Voilà. 6x3 FPP. C'est toujours la jungle des lutteurs. de Rebeca Eunice Vargas Bragiroli, Víctor Hernández Polanco, Luz Aide Méndez, Florencia Chocop, Rosario Cuevas, María Calderón, Otto René Estrada, Oscar Quiroa, Carlos Nájera, Isaura Hernández, y miles que aún siguen en nuestra memoria. C'était la jungle des luttes, merci de nous avoir écoutés. Donc c'est 106.3 FPP. On se retrouve, nous, donc, si vous le voulez, le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte le premier mercredi du mois à 20h au CICP 21 Terre Rue Voltaire. Vous pouvez nous réécouter et sinon, donc, nous retrouver le mois prochain, troisième lundi du mois, comme d'hab. Merci à vous et puis la lucha sigue. Merci, ciao. Grita y necesita de todo el esfuerzo.